Regarde bien petit, regarde bien. Sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, y a un homme qui vient, que je ne connais pas. Regarde bien petit, regarde bien. Est-ce un lointain voisin, un voyageur perdu, un revenant de guerre, un montreur de dentelle, est-ce un abbé porteur de ces fausses nouvelles qui aide à vieillir? Est-ce mon frère qui vient me dit qu'il est temps d'un peu moins nous haïr? On est ce que le vent qui gonfle un peu le sable, les formes de mirages pour nous passer le temps. Regarde bien petit, regarde bien. Sur la plaine là-bas, hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, y a un homme qui vient que je ne connais pas. Regarde bien petit, regarde bien. Ce n'est pas un voisin, son cheval est trop fier pour être de ce coin, pour revenir de guerre. Ce n'est pas un habit, son cheval est trop pauvre pour être paroissien. Ce n'est pas un marchand, son cheval est trop clair, son habit est trop blanc, qu'un voyageur n'a plus passé le pont depuis la mort du père. Il naissait nos prénoms. Regarde bien petit, regarde bien. Sur la plaine là-bas, à hauteur de roseaux, entre ciel et moulin, y a un homme qui vient que je ne connais pas. Regarde bien petit, regarde bien. Non, ce n'est pas mon frère, son cheval aurait bu. Non, ce n'est pas mon frère, il ne l'oserait plus. Il n'est plus rien ici où puisse le servir. Non, ce n'est pas mon frère a pu mourir. Cette ombre du midi aurait plus de tourments s'il s'agit de lui. Allons, c'est bien le vent qui gonfle un peu le sable pour nous passer le temps. Regarde bien petit, regarde bien. Sur la plaine là-bas, autour des roseaux, entre ciel et moulin, y a un homme qui part, que nous ne saurons pas. Regarde bien, petit, regarde bien. Il faut sécher tes larmes. Y a un homme qui part, que nous ne saurons pas. Tu peux ranger les armes.